Les angoisses de Volpi par Jean Darrigue. Chapitre 1er. Lorsque l'enfant paraît. Gino Volpi, commissaire, Gino Volpi, s'il vous plaît. Quand je dis que je suis commissaire de police, personne ne veut me croire, et pour cause. Dans le genre de bouquin que vous êtes en train de lire, il n'est pas par habitude d'inclure des photos, c'est comme ça. Alors imaginez un personnage composite et complexe, la coiffure d'Elvis, avec des favoris jusque sur les maxillaires, des lunettes de vue au vert teinté avec des montures à la Ray Charles, un t-shirt blanc à la James Dean, un perfecto à la Vince Taylor, des jeans moulants à la Dick Rivers et des Santiago à la Jean Vincent. Plusieurs fois, mes supérieurs m'ont conseillé d'avoir un look un peu plus professionnel, enfin un peu moins rocker. Mais du moment que je fais du bon boulot, ils n'insistent pas trop. Maintenant, vous voyez un peu mieux à quoi je ressemble. L'hiver, je porte un col roulé noir sous mon blouson et l'été, un simple t-shirt dont je retrousse simplement les manches pour pouvoir y faire tenir mon paquet de Royal. Oh, n'allez pas croire que je mets toujours les mêmes affaires, non. Je possède toute une tripotée de jeans identiques, de t-shirts identiques, même de paires de lunettes identiques, au cas où j'en casserai une, toute une collection de Santiago. À ma manière, je porte moi aussi une tenue. Une seule fois, j'ai dérogé. J'avais revêtu un costard et une cravate noire, des lunettes noires, pour l'enterrement d'un collègue. Personne ne m'avait reconnu et on m'avait reproché de ne pas être venu honorer la mémoire de mon copain. Maintenant, je peux entrer dans le vif du sujet, bien qu'il y ait des morts. Lundi matin, 3 mai 1966. Dans ma chambre, garée en double fil, j'attends ma copine Sylvia partie acheter les médicaments que le toubib a prescrits pour ma dépression. Ah, cette chambre Simca! Qu'est-ce que j'ai pu être chambré à cause d'elle! Cette bagnole m'a coûté la peau des fesses et j'aime ses deux couleurs, fraise et vanille. Des chromes partout, des ailes pointues qui dardent vers le ciel, bref, une fausse voiture américaine pour français moyen. Le look de la voiture vu avec mon look de rocker. Chaque matin, quand je mets le moteur en marche, le doux bruit du V8 me procure des frissons. Elle suce, s'étire, mais comme dit un de mes potes, quand on a une grande gueule, on va dans les grands restaurants. Elle est tellement reconnaissable que pour savoir si je suis au commissariat, il suffit de regarder les voitures au parking. En attendant, je déplie le méridional à la page des faits divers. Découverte macabre hier sur la D543. Hier, un couple de randonneurs a découvert une voiture gravement accidentée dans la Pinède en contrebas de la D543. À bord de la voiture se trouvait un homme mort d'une quarantaine d'années. Le corps n'avait aucun papier sur lui et portait des blessures multiples. Les gendarmes dépêchés sur les lieux ont pu établir que l'homme avait été tué d'une balle dans la tête. On ignore pour l'instant comment s'est passé cet assassinat. L'enquête a été confiée dans un premier temps à la gendarmerie de Rognes. Du boulot en perspective. Pendant que peinard, je lis mon journal, un agent, le nez dans son carnet, me dresse consciencieusement en procès-verbal le sournois planté à l'avant du véhicule. Sa tâche terminée, il tape à la vitre et me tend la contravention. En détachant le papier, il me dit d'un ton sec « Tenez, ça vous apprendra vos garec. Oh, commissaire Volpi, excusez-moi. Je ne vous avais pas reconnu. C'est ça, pour moi, pour un fada. Alors comme ça, toi, tu verbalises sans même t'adresser au conducteur. Tu as bien vu qu'il y avait quelqu'un au volant, non? Et après, tu racontes au client que malheureusement, quand le procès a été fait, tu ne peux pas l'enlever, et patati, et patata. Ah ben ça, c'est vrai, fait l'autre en ricanant. Rigole. Je vais expliquer un peu tes méthodes à ton chef, ça lui fera plaisir. Mais on peut savoir pourquoi vous voguez rien en double fil. « Je suis en planque, derrière mon journal. Tu veux que je te fasse un dessin ?»« En planque, avec une telle bagnole. »« C'est certainement pour espionner des gens qui sont aveugles. » Sylvia, ma copine, entre à ce moment dans la voiture. « Ah, c'était ça votre planque ?» s'exclame l'agent en regardant Sylvia. « Eh ben, vas-y, fais un rapport, fais-en 10 même, si tu veux. » Et je fais rugir de fureur mon V8, histoire de l'impressionner. Direction, la maison. Je n'ai pas toujours ressemblé à un rocker qu'à le blues. Il faut que je vous explique rapidement comment je suis arrivé là. Avant de perdre ma femme et mon fils dans un accident de voiture, j'étais un Français bien propre sur moi, irréprochable sous tout rapport. J'avais toujours suivi les conseils de ma mère, ayant perdu mon père alors que je n'avais que 6 ans. Ma mère me disait toujours « Regarde ton père, le pauvre, tombé d'un échafaudage. Il n'a pas pu aller à l'école, lui. Il a dû travailler à partir de 10 ans. Total, il s'est crevé pour finir comme una fritella au bas d'un échafaudage. Travaille bien à l'école, mio piccolo, et plus tard, tu pourras rentrer dans l'administrazione. Ils sont bien payés, et non fanno niente, et en tout cas, ils risquent pas la mort. Voir. » Ma grand-mère m'avait recueilli après le décès de ma mère, emportée par un cancer. Elle avait continué la même rengaine, tant et si bien que chaque fois que je franchissais la porte de mon école au Boulard-Rodeau, je pensais à mon père et à l'administrazione. Il n'y avait pas de semaine où je ne pensais au courage et l'entêtement qu'il avait fallu à ma mère, puis à ma grand-mère pour m'élever selon les valeurs du travail et du mérite. Alors que les tentations vers l'argent facile, les combines et le plaisir étaient quotidiennes pour un enfant du quartier où on habitait. Il était facile aussi, voire fatal, de finir dans la délinquance et le crime. J'idéalisais mon père qui, parti de rien, était parvenu à pas grand-chose, comme dit l'autre, mais qui représentait tout de même un exemple de travail et d'honnêteté que je m'étais toujours efforcé de suivre. Sans compter l'amour et l'attention que mon père avait toujours témoigné à son épouse. Tous deux représentaient pour moi l'idéal d'un couple qui s'aime. Je me souviendrai toujours du petit bouquet de fleurs de rien du tout que mon père apportait à ma mère en le cachant derrière son dos, et l'embrassade qui s'ensuivait. De mon enfance, je garde d'abord le souvenir de la peur. Peur des bagarres, des Allemands, peur de manquer de tout, peur de la mort. Pas de ma propre mort, car comme tous les enfants, je me pensais immortel. Mais peur que les êtres chers qui m'entouraient disparaissent, comme mon père. Mais par-dessus tout, le sentiment qui me reste, c'était celui de la grande tendresse dans laquelle j'ai baigné, la chaleur du modeste foyer au milieu de ma mère et de ma grand-mère, et surtout, l'odeur de la cuisine italienne, à nul autre pareil. Chaque fois que je cuisine, je revois ma grand-mère devant ce fourneau et je sais que si je me concentre un peu, elle va me souffler des conseils. Plus tard, au lycée, je suis devenu violent, non par goût, mais en réaction à l'injustice et à la violence des autres. Une fois, j'ai même failli frapper un prof qui m'avait fait 0 pour ne pas avoir rendu un devoir, alors que c'était le prof lui-même qui me l'avait perdu, ce devoir. J'en eus plus tard la preuve. Côté fille, j'ai eu pas mal de succès. D'abord parce que j'étais beau gosse, brun aux yeux bleus, grand et mince. Mais c'est surtout ma gentillesse et mon humour qui me valaient des conquêtes. Oui, je sais, j'en fais un peu trop, mais je n'ai plus de grand-mère pour me faire des compliments. Toutefois, j'ai toujours eu une grande discrétion et je suis toujours passé plus pour un gars vieille France que pour un tombeur. Je me suis marié à Chantal, une jeune étudiante que j'avais connue à la fac. Puis j'ai préparé tous les concours qui se présentaient et je les ai réussis brillamment. Pourquoi être faussement modeste? J'ai ensuite effectué mon service militaire en Algérie comme aspirant puis sous-lieutenant. L'armée m'ayant dégoûté, j'ai alors décidé de faire ma carrière chez les flics et j'ai profité d'un concours réussi dans la police. À tout juste 30 ans passés, je suis un jeune commissaire. Et je me suis déjà taillé une réputation de flic efficace, bien que peu orthodoxe. On peut se demander ce qu'un mec sentimental comme moi, au caractère secondaire, comme disent les psychologues, fait dans la police. Mais c'est justement la lutte contre le crime et la délinquance qui me permet de supporter la difficulté quotidienne de la vie. L'existence semblait me sourire. Une épouse jolie et savante, un fils adorable, Guido, que ma grand-mère avait amoureusement gardé quand il était bébé,